tout ces dégâts souffert, a essayé sortir de l'enfer. Malgré tout ça, yo pas cherché, cherché comprendre de santé qu'à vivre. Mais l'amour moins, t'es là tout près moins, qu'à soutienne moins, encourager moins. Et yo t'es là, t'es qu'à gâter, à qui l'air t'es qu'à tomber. Love.